Salut Titi. Thank you. forcément les parcours. Trois fois, hélas. Rien de précis. Juste un signal. Rien de précis. Rien d'anormal. répéter une mélodie. There must be an answer, oh, to be here.

Thank you. Monica.